De même que cet article semble le condensé de toute la pensée de Victor Hugo contre la peine de mort, comme vous le constaterez dans les textes qui suivent. De même, le premier de ces textes, intitulé Claude Gueux, et publié par Hugo en 1834, a été la base du livret d'opéra intitulé Claude, signé par Robert Badinter et joué à Lyon en mars 2013. Parmi les 46 textes écrits par Hugo et recensés par Wikipédia, de 1820, il a 18 ans, à sa mort en 1882, j'en ai gardé les 8 qui figurent dans un manuel que j'avais reçu en juillet 2011 et sur lequel l'un de mes petits-fils allait travailler à l'école européenne de Varese en Italie, intitulé Claude Gueux et autres textes engagés. C'est ainsi que j'ai découvert ces textes. Après en avoir enregistré l'intégrale, qui se trouve sur le net pour la Bibliothèque sonore des aveugles, en 2011, j'en ai fait le découpage que je vous propose maintenant dans l'ordre chronologique où Victor Hugo les a écrits.